Casper. Maton, Maton. Nesto, Nesto. Fondamental prod, t'as le prod. Ici pas de paparazzi, on fume la plante jusqu'à la racine. Pas de paraffine, on fait pas de bruit comme le matracing. Ça vient des tripes dans ma musique, pas besoin de passif. Toujours l'esprit combatif comme à l'époque, place de la Bastille. J'kick le beat, à toute heure, ma voix explose, les boomers, ça passe en boucle dans le tunnel. Attentat comme les Twin Towers. Si tu me cherches, tu me trouveras au rayon best-seller. Mon scot s'achète en orspéta avec une monseigneur. Tu veux des fast tech, ambiance, gangsta rap game. Moi j'm'en tape de ces chaînes autour de la McLaren. J'attends le jour de la paix comme l'ouvrier à la chaîne. Une stip à la pompe à la peine, employé à la station Shell. Quand la passion se déchaîne, je mets tout mon cœur là-dedans. Je reviens serein, je vais faire du bruit comme tous ces tambours battants. Je suis pas un enfant de cœur comme Jean-Charles. Certains de mes fans pleurant à ma mort comme Jeanne Calment. C'est de la durée en fanfare. Il faut du vrai mais pas du faux, que du bon faux. Si t'as le bon fond, tu verras bien que c'est de bon cœur. C'est de la durée, t'en penses quoi? C'est sans répit, c'est sans qu'on se bat. Quand on parle avec le cœur, c'est émouvant mais ça s'en va. C'est de la durée en fanfare. Il faut du vrai mais pas du faux, que du bon faux. Si t'as le bon fond, tu verras bien que c'est de bon cœur. C'est de la durée, t'en penses quoi? C'est sans répit, c'est sans qu'on se bat. Quand on parle avec le cœur, c'est émouvant mais ça s'en va. Cette voix sort des entrailles de mon Michael. Rêve de zénith, des concerts à Montmartre. Faut que ça frappe sec à la on back. Commande pour mon comeback. Es-tu prêt pour cette grosse baffe? Depuis le temps que j'taffe, ma soeur imbibe la cabine. J'ai la bouche carabine. J'espère que t'as capiche, t'as capiche. Et ta voix si t'as pas de flow. Pour une instru, demande office à Sarko. La rage en concert, le réveil est brutal. Mon peuple a des grosses cernes, plante les traces de l'histoire. On dit quoi? Reste soudé, malgré les handicaps. Tu linges ça la SORE. Nous on le fait en MIFA à souhait. On vient jouer la musique sur la scène, on va suer. Faut assurer, car entre amour et haine, on a le cœur saturé. Raturé, à l'image de ma fille, mes têtes se sont souvent. J'suis pas comme toi, j'essaie pas donner du sens au vent. C'est de la durée en fanfare. Il faut du vrai mais pas du faux, que du bon faux. Si t'as le bon fond, tu verras bien que c'est de bon cœur. C'est de la durée, t'en penses quoi? C'est sans répit, c'est sans qu'on se bat. Quand on parle avec le cœur, c'est émouvant mais ça s'en va. C'est de la durée en fanfare. Il faut du vrai mais pas du faux, que du bon faux. Si t'as le bon fond, tu verras bien que c'est de bon cœur. C'est de la durée, t'en penses quoi? C'est sans répit, c'est sans qu'on se bat. Quand on parle avec le cœur, c'est émouvant mais ça s'en va. À 200 à l'heure, je me propage aussi rapide que le chômage. À force de boire du café, j'ai une bile dans l'estomac. Tous les matins, je batte l'aile, dur de lever la tête. Le rap, c'est mon sport, j'ai mon brevet d'athlète. Écoute ce récital pour Nesto, on n'hésite pas. Ma zik est animale, elle traîne à Jurassic Park. Les pulsations s'accélèrent, maintenant faut qu'on perce vite. Né pour rapper des rimes de Champions League. Pas le temps d'attendre, frère, qu'il y ait des places libres. On veut que les affaires tournent comme les bières à la brasserie. On reste des artistes quand le son passe par les artères. C'est clair, ça reste idem si tout était à refaire. La vie devant nous, elle a encore un peu d'avance. Et la France voit plus rien, elle devrait se couper la frange. On reste actif, des grands chiffres en perspective. Toujours avec le cœur pour nos albums respectifs. C'est de la durée en fanfare. Il faut du vrai mais pas du faux, que du bon faux. Si t'as le bon fond, tu verras bien que c'est de bon cœur. C'est de la durée, t'en penses quoi? C'est sans répit, c'est sans qu'on se bat. Quand on parle avec le cœur, c'est émouvant mais ça s'en va. C'est de la durée en fanfare. Il faut du vrai mais pas du faux, que du bon faux. Si t'as le bon fond, tu verras bien que c'est de bon cœur. C'est de la durée, t'en penses quoi? C'est sans répit, c'est sans qu'on se bat. Quand on parle avec le cœur, c'est émouvant mais ça s'en va. C'est de la durée en fanfare. C'est de la durée, t'en penses quoi? C'est de la durée en fanfare. C'est de la durée, t'en penses quoi?